Bien. Alors, nous venons de voir les différents emplois de e et an. Et je voudrais maintenant qu'on se tourne vers l'équivalent de le, la et les en anglais. Vous savez que leur traduction anglaise est the, THE, mais nous avons déjà eu l'occasion de voir à travers différents exemples que the est parfois omis en anglais. Hein? L'humanité se dit humanity, l'espoir, hope, ou encore le tourisme qui se dit Tourism. tourism, tout court, c'est ça. Alors prenons un nouvel exemple. J'aime la nature. Pour traduire nature en anglais, on emploie exactement le même mot, mais prononcé nature. Et comme on parle ici de la nature en général, on n'emploie pas the. Et si je dis je n'aime pas les grandes villes, je parle des grandes villes en général et non, par exemple, de la grande ville où j'habite. Donc, si on parle de quelque chose en général, on n'emploie pas the avant le nom. Alors, avec ces informations en main, comment traduirez-vous j'aime la nature et je déteste les grandes villes, qui se dit cities? I like nature and I hate cities. I like nature and I hate ou I detest cities. Right. En revanche, si on veut dire le village où elle habite est très beau, dans ce cas, on veut parler d'un village en particulier et donc on emploiera the. Alors, si le mot pour village est identique en anglais mais prononcé village, comment direz-vous le village où elle habite est très beau? The village where she lives is very beautiful. The village where she lives is very beautiful. Oui. Mais comment direz-vous je déteste la violence? I detest violence. Et moi aussi d'ailleurs. Donc, I detest violence ou I hate violence. Vous avez le choix entre les deux verbes. Bon, imaginons à présent que vous venez de voir un film. Comment direz-vous, j'aime beaucoup la musique, mais je n'ai pas aimé la musique du film? En anglais, on dira, j'aime musique beaucoup, mais je n'ai pas aimé la musique dans le film. I like music a lot, but I didn't like the music in the film. I like music a lot, but I didn't like the music in the film. Oui. I like music a lot. Là, vous parlez en général, de la musique en général. Mais quand vous dites But I didn't like the music in the film, là, vous faites référence à la musique du film que vous venez de voir. Vous voyez donc que ce n'est pas difficile, simplement il faut prendre l'habitude de ne pas mettre the quand on parle de quelque chose en général, ce que vous ferez rapidement par simple imitation. Bien. Alors, vous savez déjà qu'on n'emploie pas non plus the devant les noms de repas. Prendre le petit déjeuner, ce sera donc, mot à mot, avoir petit déjeuner. To have breakfast. To have breakfast, oui, sans the. Et l'on nommait aussi the devant les noms de pays et de langues. On l'avait vu notamment avec les exemples l'Angleterre, England, et l'anglais, English. Alors, comment direz-vous, l'anglais n'est pas tellement difficile? English is not so difficult. English is not so difficult. Oui. Mais watch out! Si vous voulez parler des Anglais, du peuple anglais, alors c'est le même mot English, mais cette fois précédé de the. The English, les Anglais. The French, les Français, etc. Par ailleurs, sachant que la nuit dernière ou hier soir se traduisent par last night, donc sans the, comment dira-t-on il m'a appelé hier soir? He rang me last night. He rang me last night, oui. C'est notre petite musique ring, rang, rong qui revient. Donc, ça, c'est ce qu'on dira le plus souvent en anglais britannique. Mais au lieu de to ring, on peut employer to call, donc. He called me last night. He called me last night, oui. Et maintenant, comment direz-vous Je les ai vus la semaine dernière. I saw them last week. I saw them last week. Donc, là encore, last week sans the. Et ça correspond donc à la semaine dernière. Le contraire de last est next, N-E-X-T, qui veut donc dire prochain. Et ce n'est pas non plus précédé de the. D'ailleurs, on n'emploie pas non plus the devant les noms des jours de la semaine. Alors, par exemple, comment direz-vous « je fais toujours les courses le samedi » ? Alors, pour dire le samedi, on emploie « on »,« on Saturday » ou « on Saturdays ». Ici, on peut employer le singulier ou le pluriel, ça n'a pas d'importance. Alors, « je fais toujours les courses le samedi », mot à mot, « je toujours vais aux courses sur samedi ». I always go shopping on Saturday. I always go shopping on Saturday. Oui, ou bien on Saturdays. Alors n'hésitez pas à vous reporter au livret d'accompagnement pour les autres noms des jours de la semaine. Bon, alors pour revenir à last et next, comment direz-vous « j'ai une réunion importante la semaine prochaine » ? I have an important meeting next week. I have an important meeting next week. Alors, il y a un autre cas où l'on n'emploie pas the. C'est devant les noms propres précédés d'un titre. Par exemple, la reine Elizabeth, c'est Queen Elizabeth, Q-U-2-E-N, et le prince Charles, Prince Charles. Alors, comment dira-t-on le président Kennedy? President Kennedy. President Kennedy, c'est ça. Et pour conclure sur ce sujet, je voudrais vous donner encore quelques cas où l'on n'emploie pas the. C'est le cas notamment de certaines indications de lieu, comme par exemple au travail, at work, à l'université, at university, à l'école, at school. Bien sûr, s'il y a mouvement, alors on emploiera to au lieu de at, mais toujours sans the. To go to work, to university, to school. Bien, alors comment diriez-vous « elle est allée à l'école » et en employant la forme avec « to have » avec « gone » du verbe « to go »,« gone », G-O-N-E. She has gone to school. She has gone to school. Prenons encore un exemple. Il est rentré à la maison. Maison se dit house en anglais, H-O-U-S-E, house. Mais pour parler de son chez-soi, on emploie plutôt home. Alors comment dira-t-on « il est tard et il est rentré chez lui », mot à mot, « et il est allé maison ». It's late and he's gone home. It's late and he's gone, ou he has gone home.